Comment se libérer de notre existence ? Le texte porte un nom, quasi imprononçable en français, mais il est le livre indien le plus lu et le plus traduit dans le monde entier. C'est un texte mythologique, philosophique et poétique, aux multiples sens inépuisables, comme si notre Ancien Testament rejoignait l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. La Bhagavad Gita raconte comment le soldat Arjuna, au milieu d'un champ de bataille, découvre que le conducteur de son char n'est autre que le dieu Krishna, qui peut lui venir en aide à condition de ne faire qu'un avec lui. Alors comment se libérer de notre existence ? Eh bien aujourd'hui, c'est Krishna qui vient nous libérer. À l'intérieur du Mahabharata, elle se trouve comme un petit bijou à l'intérieur d'un immense écrin, la fameuse Bhagavad Gita, qui est le texte sacré le plus célèbre de l'Orient tout entier, et qui est donné par Krishna à un des personnages de l'histoire. Disons que dans l'histoire des rapports de l'homme avec Dieu, c'est la première fois dans cette histoire, longue et compliquée comme vous savez, où un Dieu, Krishna, ou tout au moins l'incarnation d'un Dieu, car Krishna est un des avatars, comme l'on dit, c'est-à-dire une des descentes de Vishnu sur la terre pour venir arranger les choses au moment où ça va mal, c'est la première fois où un Dieu incarné prenant la parole dit à un personnage humain « Je t'aime ». C'est la première fois où des rapports qui jusque-là étaient des rapports d'autorité et de force deviennent des rapports de tendresse et d'amour. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Bonjour Silvia Dintino. Bonjour Adalbert. Merci beaucoup d'être au micro des chemins de la philosophie ce matin. Vous êtes indianiste, philologue, chercheur au CNRS. Vous avez contribué à établir une traduction de la Bhagavad Gita, celle de Sylvain Lévy. Vous avez travaillé sur ses manuscrits. Et vous venez d'entendre, ainsi que nos auditeurs, la voix de Jean-Claude Carrière, l'écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière, grand connaisseur du Mahabharata et de la Bhagavad Gita, qui affirmait que c'est dans ce texte que, pour la première fois, un dieu dit « je t'aime » à un homme. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, disons au moins dans la tradition indienne, il est vrai que ce texte pose les débuts d'une... d'un topos littéraire et aussi la fondation de cette théorie de l'amour divin, qui est la bhakti, la dévotion. La bhakti, oui, qu'on traduit par dévotion, et qui signifie effectivement avoir part à la divinité, et participer donc de son amour, mais en même temps quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de l'affectif ou de l'abandon à la divinité, plutôt comme le dit très bien Michel Hulin dans une autre traduction de la Bhagavad Gita, qu'il reprend celle d'Émile Sénard, qu'il a donc réédité pour Point Sagesse dans les années 2000, et il dit que c'est plutôt un amor fati. Donc vous voyez toute la complexité de cet amour divin, ouais, qui se croise, voilà, cet amour du destin. Ben, en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui justement, parce que vous parlez d'amour divin, mais c'est bien différent de ce qu'on peut signifier par l'expression d'amour divin dans le christianisme par exemple. Déjà le rapport au Dieu est très différent. Et surtout, et commençons par là, c'était ma première question, comment se libérer de notre existence ? C'est la question que pose ce texte, la Bhagavad Gita. Et hier, avec Marc Balanfa, on a présenté une première voie de libération qui consiste à renoncer à ses désirs, ou plutôt renoncer aux fruits de ses actions, agir sans vouloir obtenir la satisfaction que l'action peut nous procurer. Aujourd'hui, seconde voie de libération, c'est justement cette fusion avec le divin. Mais pour comprendre pourquoi cette question se pose, Silvia Dintino, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi faudrait-il se libérer de notre existence? Pourquoi dans ce texte l'existence est-elle un fardeau, un poids? Tout à fait. Ben, parce que justement il y a les actions que nous accomplissons s'enchaînent et produisent des fruits visibles, donc leurs effets, et des fruits invisibles qui laissent des traces mémorielles, donc des traces mnésiques dans notre conscience et qui vont constituer une sorte de dépôt, des fardeaux, des fardeaux de vie, des fardeaux d'action et des fardeaux de vie qu'il faudra épuiser d'une vie à l'autre. Donc cela s'enchaîne d'une vie à l'autre, il faudra épuiser jusqu'à ce moment que l'on appelle le moksha, donc la délivrance, qui est la sortie du samsara, donc la fin de cet enchaînement de vie que nous subissons sur Terre, tout être vivant même a subi sur Terre. Nous avons tous plusieurs vies. Oui. On en a combien? Innombrable. Mais la vie humaine est très précieuse. Elle est considérée une vie très, très élevée. Donc nous sommes en même temps sur les vies rares, les vies privilégiées et sur des vies qui peuvent être aussi à tout moment la dernière. C'est un peu ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il serait impossible pour Arjuna, si j'ose m'avancer dans la logique qui pose le texte, il serait impossible pour Arjuna d'avoir cette rencontre avec Krishna dans la forme que nous allons voir sans être arrivé à un point de perfectionnement de ce parcours à travers ses propres vies et sans donc mériter ce point de contact avec la divinité qui peut le transporter directement en dehors du samsara. Donc le samsara, c'est le cours des existences où les flux des morts et des renaissances s'enchaînent, et ça c'est omniprésent dans toute la littérature indienne. Oui, tout à fait. Ce n'est pas une idée de la toute première heure de la philosophie indienne, parce que ce n'était pas, par exemple, dans les textes, dans les hymnes du Veda, donc le tout premier texte de la littérature indienne, on ne voit pas ça. Mais on voit apparaître cela dans les Upanishads et c'est une idée du védisme tardif, si j'ose être technique. Donc le Veda, c'est le tout premier texte. Absolument. À l'origine de la philosophie indienne. C'est quoi? C'est on les dates 15e siècle avant Jésus-Christ à peu près? Voilà, entre le 15e et le 5e siècle avant notre ère. Ça, c'est le Veda. Ce sera suivi des Upanishads. Non, les Upanishads font encore partie du Veda. C'est ce que j'appelle le Veda tardif, ouais. Où on voit apparaître de nouvelles idées. Et parmi ces idées, la théorie de la Renaissance, effectivement, est une idée upanishadique. Et donc le texte qui nous intéresse aujourd'hui, ça vient dans un troisième temps. Ah oui, tout à fait. Il ne fait pas partie de la Révélation, il ne fait pas partie donc du Veda directement, même s'il est considéré un texte sacré pour bien d'autres aspects, mais il fait partie de cet ensemble des textes que l'on appelle la tradition, Smriti en sanskrit. Donc ce sont des textes qui ont, pour ainsi dire, un auteur, un auteur humain, je veux dire, alors que le Veda, ce sont des textes révélés qui n'ont pas de véritable auteur, mais qui ont des rishis, des voyants qui en ont eu la révélation. Mais c'est considéré comme une parole divine. Et c'est à partir du moment où cette parole devient humaine que se pose la question de la rencontre entre quelque chose qui est permanent, quelque chose qui est inimaginable, immuable, et le corps humain qui, lui, va périr. Et c'est cette rencontre entre les deux qui fait aussi la tension qui traverse ce texte. Peut-être. C'est-à-dire que la distinction entre corps et esprit, tel que nous l'envisageons dans notre système, dans nos systèmes philosophiques, n'est pas si nette dans l'Inde. Les dieux sont à la fois corporel et incorporel, c'est-à-dire qu'il D'abord, ils ont acquis leur divinité, là encore, par une sorte de perfectionnement, mais ils connaissent aussi, comment dirais-je, ce qu'est d'être un corps, d'avoir un corps, je dirais pas au même titre que les hommes, parce qu'il y a il y a une différence, mais ils peuvent user de leur corps d'une manière très, comment dirais-je, d'abord communicative pour entrer en contact avec l'humanité, mais aussi d'une manière, comment dirais-je, une manière divine, c'est-à-dire pour répondre aux attentes des hommes, mais aussi pour jouir d'un autre état de vie que celui propre à la divinité auquel on aspire, nous, en tant qu'êtres humains. Les êtres humains aspirent à cette nature divine, disons, cette incorporéité incorporée. Voilà. Parce que c'est ce que Krishna dit à Arjuna, justement, dans le texte. Il l'encourage à se battre. Arjuna, donc, hésite, il est pris, il est tiraillé entre le respect de son devoir en tant que guerrier qu'il enjoint à se battre et de l'autre le respect de sa famille car ce sont ses cousins qu'il doit tuer. Et Krishna, donc, qui est le conducteur de son char, apparaît comme tel. Alors il ne se montre pas vraiment tel qu'il est, mais on comprend rapidement que c'est une divinité. Il lui dit, mais finalement, tu dois te battre parce que les actions que tu vas avoir vont pas vraiment avoir un impact direct sur ces personnes-là. Ils ne vont pas vraiment mourir puisqu'ils sont tous pris dans le cycle des morts et des renaissances, dans le samsara. Ainsi, tu dois accomplir ton action sans avoir peur des conséquences. Et je vous propose qu'on écoute les mots que prononce Krishna à ce moment-là. C'est au chant 2, donc, de la Bhagavad Gita. Non seulement le texte est absolument magnifique et il est lu par Bernard Gabay qui magnifie encore plus ce texte, mais écoutez les termes employés par Krishna pour définir ce qui échappe même à la réincarnation, à la répétition corporelle. Il multiplie les synonymes pour montrer à quel point, c'est un mystère insaisissable d'où nous venons tous. Ces corps qu'on dit finir, ils appartiennent à l'éternel incorporé, à l'impérissable et à l'inconnaissable. Donc, combat au Bharata. Celui qui croit connaître un meurtrier et celui qui croit un homme mort, ces deux-là ne sont pas sages. L'homme ne fait ni mourir ni ne meurt. Il ne naît pas ni ne meurt jamais, n'ayant jamais été ni n'allant être encore. Non-né, éternel, continuel, antique, il ne meurt pas alors que meurt son corps. Celui qui connaît l'impérissable, l'éternel, le non-né, l'indissoluble, comment cet homme parta? Ferait-il tuer? Ou tuerait-il? Ainsi que l'homme dépose les vieux vêtements pour en prendre d'autres et de nouveaux, de même, l'incorporé dépose les vieux corps pour entrer en d'autres et en de nouveaux. Ni les armes ne le blessent, ni le feu ne le brûle, ni les eaux ne le mouillent, ni le vent ne le dessèche. Coupure, brûlure, mouillure, dessèchement, il n'en ressent aucun. L'éternel, l'omniprésent, le stable, l'immobile, le sempiternel. L'inévolué, l'inimaginable, l'immuable, ainsi s'appelle-t-il. Comme un mystère, tel homme le voit. Comme un mystère, en parle tel autre aussi. Comme un mystère, un troisième l'entend. Mais qu'il l'ait entendu, personne ne le connaît. L'incorporé est à jamais invulnérable dans le corps de tout homme. C'est pourquoi tous les êtres, tu ne dois pas les lamenter. Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de la Bhagavad Gita cette semaine, aujourd'hui en compagnie de Sylvia Dintino. Nous venons d'écouter un texte qui nous affirme, alors là le parti pris philosophique est très fort, Sylvia Dintino, qui affirme qu'il y a de l'incorporé, qu'il y a du non-né, de l'éternel, du continuel, du sempiternel, de l'inimaginable, les synonymes n'en finissent pas, mais que ceci est un mystère. C'est une affirmation très forte parce que ça veut dire, effectivement, nous on a envie de le comprendre comme étant la distinction du corps et de l'esprit, mais vous disiez c'est autre chose encore, aidez-nous à comprendre. Oui, en fait, je parlais tout à l'heure de cette transmigration, n'est-ce pas, de ces renaissances permanentes pour la vie des êtres vivants. Et la partie justement qui traverse cette vie recommencée, la partie des êtres humains qui traverse cet être recommencé, qui est le tout, donc ce qui persiste au-delà de la vie corporelle, c'est l'atman, ce qu'on appelle donc l'âme, si vous voulez. C'est une traduction un peu simplifiée, mais ce mot est relié au terme athème, au souffle, et donc c'est vraiment quelque chose qui, curieusement, encore une fois, laisse, comment dirais-je, porte une trace de physicité. Et qui s'inscrit dans le, comment dirais-je, se détache, mais s'inscrit aussi dans le corporel de l'homme. Or, effectivement, cette partie que l'on peut dire l'esprit, hein, selon, et que l'on traduit souvent comme ça, cette partie immortelle dans l'homme, en sanskrit, se dit Purusha. Et au moins dans ce texte notamment, et le Purusha en sanskrit signifie l'homme. Alors curieusement, il y a comme une sorte de précipitation de signifier, parce que on voit très bien que l'humanité de l'homme réside dans cette partie qui justement échappe à sa mortalité. Donc il est, vous voyez, l'homme, comme dit le texte, c'est Purusha, donc que je viens de préciser, que l'on traduirait plutôt l'esprit, mais que dans cette traduction est traduit donc par l'homme littéralement, donc ne fait ni mourir ni ne meurt. Donc il est vraiment cette partie, je le répète, qui échappe à la mortalité. Et c'est sur celle-là qu'il faut brancher, ou qu'il faut réfléchir, ou qu'il faut se concentrer lorsqu'on veut atteindre l'action détachée dont on parlait hier. C'est cette possibilité de séparer l'action non pas du sujet agissant, mais des l'ego, qu'il allie, de la manière personnelle de comprendre l'action. Justement, l'atman, le purusha, le non-ego, c'est cette vision, c'est cet aspect impersonnel qui transcende donc l'ego dans l'être humain, sur lequel met l'accent autant la doctrine, la théorie de l'action, que la théorie de la bhakti. Et ça, c'est difficile à comprendre pour nous, parce que, quand je dis nous, je parle des occidentaux, parce que nous définissons l'humanité justement à partir de sa finitude. Être un être humain, c'est être un être voué à la mort, qui va mourir, qui a une vie finie. Ici, on apprend que c'est l'inverse. L'humain, c'est le permanent, c'est l'atemporel, c'est ce qui ne mourra jamais. Et c'est vrai, dans les mots, c'est vrai ce que l'on vient de dire, et c'est exactement ainsi. Et en même temps, le fond de l'humain, même dans notre philosophie, c'est l'aspiration à quelque chose qui transcende justement cette humanité ou cette finitude, n'est-ce pas? Donc cette quête d'infini, finalement, est un peu, voilà, marquante et présente dans l'humanité de l'homme, même de ce côté de la planète. Mais alors, quel est le statut des dieux dans cette philosophie? Si l'humain est aussi celui qui est non-né, éternel, continuel, quelle place reste-t-il pour les dieux, et qu'est-ce qui distingue un être humain d'un dieu? Ben voilà, nous venons de dire que donc l'être humain a quelque chose de divin en lui. Ouais. Et le Dieu est entièrement divin. C'est pas une question de, comment dirais-je, il est plus divin que les hommes, mais est uniquement divin. Il a justement, il n'a plus de toutes les souffrances, n'est-ce pas, comme dit le texte ici. Il n'y a rien qui le il n'y a rien qui le branle, rien qui le blesse. Donc il y a bien qu'étant doté d'une certaine corporité, que je le répète, quelque chose qui lui permet de partager un discours avec les hommes, il n'a pas à subir son corps, et surtout, pour être divin, il a atteint ce stade de perfectionnement dont j'ai parlé à l'instant, au cours de vie précédente. Donc les dieux sont des hommes qui sont devenus divins ? Oui. Oui, oui. Ils ne sont pas nés dieux ? Non, on devient dieu. On les connaît peut-être comme étant déjà dieu, mais on sait que les dieux même doivent leur statut divin et la permanence dans ce statut divin à la comment dirais-je au culte et au rite qu'exécutent les hommes, parce qu'ils pourraient, on dit dans les premiers textes, c'est pas dans les hymnes, mais dans les brahmanas, c'est-à-dire les premiers gloses des hymnes védiques, et aussi des textes qui portent sur les rites qui constituent le grand ensemble de la religion védique. Donc les dieux sont, je disais, nourris et gardés dans cet état divin grâce à grâce au culte et grâce au rite qu'on exécute pour eux. Voilà, alors on va justement voir comment le dévot peut aller vers les dieux, et ça Krishna va nous le dire directement en s'adressant à Arjuna. Mais avant cela, présentez-nous Sylvia Dintino, qui est Krishna, qui sont ces dieux dont nous parlons finalement dans la mythologie indienne classique. Il y a la coexistence de trois grands dieux, est-ce que vous voulez nous les présenter? Oui, donc il y a beaucoup de dieux. La religion védique et le brahmanisme sont, ainsi que l'hindouisme, sont des polythéismes. Mais si on devait réduire le compte au minimum, il y a au sommet donc de ce panthéon trois dieux. Le dieu Brahma, qui est donc le dieu créateur, le dieu Shiva, qui en fait représente le chemin des mondes et leur jusqu'à leur perte, jusqu'à leur destruction, et puis le dieu Vishnu, qui est le dieu de la récomposition des mondes, donc la récomposition de la création, et qui est représenté souvent comme dormant sur le serpent Shesha, c'est-à-dire le serpent reste de l'univers duquel il fera nouvellement sortir un nouveau monde. Voilà. Donc Brahma, c'est le créateur du cosmos, Shiva le destructeur du monde et Vishnu le conservateur. Oui, si on peut dire ça comme ça. Et Krishna est... c'est un avatar de Vishnu. Voilà, est un avatar, c'est-à-dire une descente de la divinité qui s'est donc incarné, parce que c'est aussi Krishna, on l'a vu, on le disait hier, donc c'est le cocher, donc c'est un être que Arjuna connaît comme son cocher, mais tous les héros donc du Mahabharata le connaissent pour étant ce personnage, et en même temps il révèle dans la Bhagavad Gita, il révèle à Arjuna qu'il est donc un dieu, hein, Krishna, qui est une figure de Vishnu, et je rentrerai pas dans le détail, mais il y a quand même des différentes versions. Est-ce que c'est un avatar uniquement de Vishnu ou de Shiva? Non, je pense qu'on ne va pas parler de ça maintenant, mais il y a différentes interprétations aussi à ce sujet. Bah, on va lui laisser la parole, on va le retrouver au chant 9 de la Bhagavad Gita. Est-ce que vous voulez nous dire où on en est dans le texte à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe au chant 9? Bah, en fait, l'enseignement que Krishna donne à Arjuna est se présente comme une sorte de de leçons nourries d'exemples dans ce dialogue mystique auquel nous avons accès, je le répète, simplement parce qu'il est relaté. Donc c'est un récit dans le récit, nous n'avons pas un accès si direct, mais il est reporté exactement, dit Sanjaya, donc il est exactement reporté tel qu'il est arrivé, et c'est le moment, disons au chant 9, la Gita est articulée sur 18 chants, c'est le moment où on introduit effectivement ce texte, ce thème de la dévotion, puisque la théorie de l'action qu'on a développée jusqu'ici, au fond, est un aspect du savoir qui est transmis par Krishna à Arjuna. Et je dis pas qu'Arjuna n'est pas convaincu, mais le discours serait à moitié compréhensible sans ce développement sur la bhakti, qui est quelque chose qui parle peut-être plus fortement au cœur d'Arjuna. Alors voici le texte. Bhakti, ça veut dire donc dévotion. Et gardez en tête, quand vous entendez les mots Kanteya et Partha, ce sont des synonymes d'Arjuna. Et ici, Krishna s'adresse à Arjuna, c'est-à-dire à vous. Dévot au Dieu, on va au Dieu. Dévot au man, on va au man. Qui m'adore, il va à moi. Feuilles, fleurs, fruits et eaux qu'on me présente pieusement, je l'accepte. C'est la pieuse offrande d'un cœur soumis. Que tu agisses, que tu manges, que tu sacrifies, que tu donnes, que tu te mortifies, Kanteya, pense à m'en faire l'offrande. Ainsi tu te délivreras des fruits du bien et du mal, des chaînes de l'acte. Et dans l'union de renoncement, affranchi, tu viendras jusqu'à moi. Je suis le même pour tous les êtres. Je n'aime ni ne hais. Mais les dévots qui m'adorent, ils sont en moi. Je suis en eux. Fût-ce un vrai méchant? Si un homme m'adore et s'il m'adore sans partage, il faut le tenir pour un saint. Il a pris le bon parti. Bientôt il devient la loi même, il pénètre à jamais dans l'apaisement. Sois-en sûr, Kanteya, mon dévot ne périt jamais, car pourvu qu'on s'appuie sur moi, Partha. Fût-on même de mauvaise naissance, on passe à la voie suprême. Né dans ce monde impermanent et sans bonheur, adore-moi, pense à moi, sacrifie à moi et prie-moi. C'est à moi que tu iras. Uni à moi, tout à moi. Alors Sylvia Dintino, ce discours est censé procurer l'apaisement, mais pour tout vous dire, moi je suis plutôt mal à l'aise quand j'entends ça, parce que j'entends un Dieu qui dit « viens à moi, unis-toi à moi, tout à moi », il y a comme une volonté de possession, voire de dévoration qui m'effraie un peu. Et alors le texte, on entendra après, quand Krishna apparaît tel qu'il est, c'est encore plus terrifiant, hein, je le dis à dessein. Est-ce que vous comprenez ce malaise? Tout à fait, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que la dévotion, bien sûr, est cette participation de la nature divine ou participation effectivement à cette comment dirais-je infinie générosité de la divinité qui vous voyez promet aussi tout de même la la délivrance, une sorte de raccourci, c'est-à-dire le chemin qui normalement doivent faire nos actions pour atteindre cet état de perfection est sans fin. Et il passe, comme on a vu, par toutes ces renaissances, alors que là, ce que la Bhakti promet est une espèce de saut, hein, je le répète, de presque de raccourci pour entrer directement dans la divinité. Il faut comprendre que c'est un véritable désir, une véritable quête spirituelle à laquelle répond donc Krishna dans ce texte. Il y a aussi des moments qui, on va le voir encore tout à l'heure, qui sont de l'ordre de l'absolu incompréhensible et qui mettent Arjuna encore plus mal à l'aise. Arjuna est le premier, si vous voulez, à être mal à l'aise vis-à-vis de l'enseignement de Krishna, mais petit à petit, au fur du dialogue, justement, il finit par abandonner, donc il finit par réaliser ce qui est dit, c'est-à-dire abandonner son ego et véritablement être transporté dans cette divinité ou dans cette éternité de l'action détachée. Donc c'est mon ego qui fait écran, c'est ça qui me met mal à l'aise, j'ai pas assez discuté avec Krishna, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, c'est vraiment une discussion Oui, je crois que effectivement c'est difficile de ce côté du monde de comprendre ce discours, et de toute manière on pourra jamais le comprendre au premier degré. C'est un peu ça le sens aussi de l'enseignement et je dis pas de la longueur de ce chant, mais de la progression, disons, de cet enseignement. Il faut vraiment adhérer au texte ou alors on a un rapport de lutte avec ce texte. Je disais que tout indianiste doit se mesurer à un moment ou à un autre avec ce texte, mais je ne suis pas sûre que tous les indianistes le prennent pour le texte le plus beau, par exemple, de la littérature. Ah, c'est vrai, pourquoi pas? Il y a une résistance, vous voulez dire? Parce que c'est ce que vous venez de dire, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement qui fait résistance, d'extrêmement difficile à admettre. Il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de véritable apaisement. Il y a d'adhésion, de l'adhésion, on voit à la fin, et il y a de la transcendance, hein, c'est-à-dire vraiment de l'autodépassement. Il faut qu'il y ait de ça pour sortir de ce texte, mais quand on est dedans, effectivement, on éprouve toutes les passions et les pulsions possibles. Toutes les réactions se réunissent. Et vous, vous le recevez comment, ce texte? Eh bien, écoutez, moi, je suis tellement, sensible à la beauté littéraire de ce texte, que cette voix que je considère être l'une des plus hautes voix de la philosophie aussi, me parle infiniment et m'interroge, continue de m'interroger. Voilà, je peux dire ça. Je ne peux pas dire j'adhère ou j'adhère pas à cet enseignement, mais ce texte est infiniment beau. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de compréhension au premier degré, c'est une manière de dire qu'au fond, on est plus du côté de la mystique que de la philosophie ici? Oui et non. C'est-à-dire que la bhakti, je vais là lever un doute qui pourrait donc être, peut-être je l'ai déjà un tout petit peu annoncé tout à l'heure, la bhakti contemple et nécessite la connaissance contemple l'acceptation aussi de la nécessité ou de la dureté de l'aspect terrible de la réalité qu'Arjuna doit affronter. On ne demande à aucun moment, on ne demande à Arjuna, eh bien, oublie tout ça. Bien sûr, on lui dit que la guerre a déjà eu lieu quelque part. Et même, on va le voir, les guerriers sont déjà, les héros sont déjà morts, tout est déjà derrière lui, en un sens, derrière Arjuna. Mais son tremblement persiste dans cette espèce de temps arraché au temps qu'est la Gita, cet instant intemporel auquel personne n'assiste, je le répète, Vyasa, donc l'auteur, si l'on peut dire, ou alors les auteurs qui prennent les noms que la tradition nous a transmis sous le nom des Vyasa, ont mis ce passage, ce petit poème dans le poème qu'est la Gita, dans le texte, comme un instant auquel on a le privilège d'assister, mais que personne n'a vu. Donc la guerre s'est arrêtée, curieusement, et il y a ces 18 chants de la Gita qui là se passent, mais dans quel temps? Dans quel temps sommes-nous? Eh bien, dans ce temps de l'intime qui me fascine, qui continuera de m'interroger, où il n'y a plus, effectivement, il n'y a plus de temps. On n'est pas très loin de l'expérience que propose Nietzsche dans Le Gai Savoir. Vous aviez parlé de la mort fatie, lorsque Nietzsche, au paragraphe 341 du Gai Savoir, imagine un démon qui vienne nous susurrer à l'oreille, imagine que la vie telle que tu la vis, telle que tu l'as vécue, bah, il faudrait que tu la revives encore une fois, puis encore une fois, un nombre infini de fois. Est-ce que tu dirais oui? Ça met dans le même état de malaise, de stupéfaction, peut-être d'envie, et ça invite à une sorte aussi de, si ce n'est d'amélioration, du moins de nouveau regard sur sa propre existence. Il y a un lien entre les deux, non? Si. Si, si. Moi, je dirais que, justement, si on regarde cette théorie de l'éternel retour avec les yeux d'un, si j'ose dire, d'un Indien, et ce qui veut dire aussi avec un regard beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins idéologique, et un regard ouvert, on comprend que même cette idée-là a une... comment dirais-je, a une valeur tout à fait centrale, et c'est une clé pour comprendre véritablement ce qu'il en est de la vie et de l'éternité de la vie. Voilà. Il y a aussi cet amour profond pour la vie qui est dans la Gita, que l'on retrouve bien sûr dans toute la philosophie de Nietzsche. Je suis d'accord avec cela. Et même l'idée, vous le voyez ici, cette idée de l'être au-delà du bien et du mal, je pense qu'on pourrait la comprendre encore mieux si l'on pouvait la mesurer avec des textes comme celui-ci, où effectivement c'est l'action détachée qui est derrière... derrière le dépassement de la morale. Si ce n'est que vous aurez remarqué, chez Nietzsche, c'est un démon, c'est pas un dieu. Et ce détail a son importance. Oui et non. Le démon peut être aussi un daimon, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas forcément le diable. Un daimon destinal. J'avais tout laissé derrière moi au niveau matériel. J'avais donné tous mes biens matériels aux dévots. Enfin, c'était pas grand-chose, hein, bon, quelques casseroles, quelques meubles, etc. Et je me sentais vraiment très, très légère. J'ai vraiment éprouvé énormément de plaisir et de joie à servir, de s'abandonner entièrement à Krishna. Et j'étais rassasiée. Je n'éprouvais pas le besoin de manger ou de boire, mais bon. À l'époque, je ne me sentais pas dirigée ou manipulée, mais ça me convenait, de toute façon. Ils ont comblé un besoin que j'avais, donc Et à la naissance de mon fils, là, j'ai bien vu que je ne pouvais plus continuer à servir Krishna comme je l'avais fait. Je crois que ça aurait été inhumain. Je me suis détachée, je me suis retirée de tout ce moule qui commençait vraiment à peser, quoi. Et oui, des dérives et des dangers de la dévotion, Sylvia Dintino, soyons honnêtes jusqu'au bout. On parle de la bhakti, donc de la dévotion telle qu'elle est énoncée dans ce texte, la Bhagavad Gita. Le témoignage que l'on a entendu, c'était un extrait du documentaire sur les docs diffusé sur France Culture en 2012, relate les propos de cette personne qui parle de ce qu'elle appelle la secte Hare Krishna, qui donc s'est sentie manipulée par cette dévotion qui propose de fusionner avec le divin pour finalement que ça se retourne contre elle. C'est une des dérives possibles. Oui, écoutez, il y a, là nous sommes en tout cas dans l'Inde contemporaine, donc c'est un autre aspect, une autre lecture aussi de la dévotion qui est faite par l'hindouisme historique. Mais ici nous sommes au début, dans la Gita, nous sommes au début de l'hindouisme et ce que le védisme avait théorisé comme renoncement était véritablement une sorte de mise à l'écart de la personne par rapport à sa famille, à ses devoirs à la fois familiaux et sociaux, et un renoncement à ces implications sociale et une sorte de aussi un renoncement à l'exécution des rites et une sorte de retour en soi, si j'ose dire, et approche du divin dans un dialogue beaucoup plus individuel. Mm-hmm. Donc c'est comme vous dites, c'est une il y a cette dans le renoncement qui est aussi un renoncement au monde, comme vous le voyez, il y a cette éventuelle nostalgie, mais c'est pas tellement les dangers que court ici Arjuna. Arjuna sait très bien qu'il est un guerrier et qu'il ne pourra pas ne pas combattre. Mm-hmm. C'est son dharma. Hein. Peut-être il faut dire aussi le mot qui est la clé de cette religion. Donc c'est son devoir. Et en même temps, il y a plusieurs devoirs, parce que le respect du vivant et le respect du cosmos, c'est un devoir aussi grand et même supérieur en quelque sorte, le respect de la vie cosmique, voilà, c'est un dharma cosmique, un dharma qui concerne toute l'humanité et tout l'univers, qui devrait primer sur le Svadharma, c'est-à-dire le dharma propre d'Arjuna. La bhakti, pour revenir à notre thème, essaye, si vous voulez, de concilier véritablement ces deux dharmas, mais produire une sorte de voie, troisième voie, mm-hmm. voilà, obéir à son propre dharma, obéir au dharma général, l'ordre du monde, donc, ou encore, la voie de la dévotion est une inscription de son propre chemin dans ce dharma plus vaste. Voilà, encore faut-il bien connaître son dharma, et puisqu'on parle de dévotion, vous avez parlé de soumission, c'est pour ça que l'extrait sur l'emprise d'une secte qui s'appelle en plus Hare Krishna est parlant, c'est que ce à quoi ça conduit, ce renoncement dont on parle, à quelque chose de radical, de très exigeant, qui peut, quand on sort du texte et qu'on regarde dans la vie qui nous entoure, conduire à ce genre de danger. Oui et non, c'est-à-dire que quand même les renonçants sont, comment dirais-je, sont les bien-aimés aussi de la société. Il faut comprendre que ce choix radical n'est pas seulement une mise hors la loi, si j'ose dire, mais au contraire, c'est une sorte d'exaltation de cette loi encore plus prégnante, encore plus importante, qu'est donc le bien du monde. Vous voyez, c'est ce détachement aussi qu'il faut cultiver, qui nous fait comprendre que la vie du renonçant est une vie hautement bénéfique, hautement inscrite dans le destin humain. Êtes-vous prête à regarder Krishna dans ce qu'il a de plus terrifiant, à l'apparition de Krishna? Est-ce qu'on le convoque en studio ce matin, Sylvia Dintino? Je suis prête, c'est un morceau littéraire merveilleux. Ah, exactement, nous sommes au chant 11 de la Bhagavad Gita. Écoutez ce texte incroyable. Arjuna dit, je vois les dieux, ô Dieu, dans ton corps et les diverses multitudes de tous les êtres. Comme tu as des bras et des ventres, des faces et des yeux, tel que je te vois avec ta forme partout infinie. Tu n'as ni fin, ni milieu, ni commencement non plus, tel que je te vois, Seigneur du tout, multiforme. Tu as le diadème, le masque et le disque, tu es somme des gloires, ta splendeur est partout. Tel je te vois, qui t'a vu jamais, alentour, brillant comme la clarté de la flamme et du soleil, immense. Grande est ta forme, avec tant de visages et d'yeux, ô héros, avec tant de bras, de cuisses et de pieds, avec tant de ventres, tant de dents saillantes. À te voir, les mondes ont tressailli, et je tressaille. Tu touches au nu, tu brilles de mille couleurs, ta bouche est béante, tes grands yeux sont embrasés. Oui, à ta vue, je tressaille au fond de mon âme, je ne trouve ni calme, ni repos, ô Vishnu. Tes bouches aux dents saillantes semblent être le feu de l'anéantissement. Ah, à ta vue, où me tourner, où chercher un refuge? Comme le flot des rivières s'écoule vers le seul océan, ainsi les héros du monde des hommes entrent dans tes gueules en flammes. Ainsi qu'entrent dans la flamme qui brille les papillons empressés à leur perte. Ainsi pour leur perte, entrent dans tes gueules les mondes empressés. Tu te pourlèches en avalant de partout les mondes réunis avec tes gueules en flammes. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. On retrouve ici le passage de la dévotion à la dévoration. Tu te pourlèches en avalant de partout les mondes réunis avec tes gueules en flammes. Il y a plusieurs mondes, il y a plusieurs gueules. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de transe ici, Sylvia Dintino? Oui, on peut parler aussi d'une, comme je le disais, de ce temps qui contient tout le temps, surtout, parce qu'on voit effectivement le monde se succéder et être, roulé, renaître et s'anéantir dans la gueule, donc en tout cas dans ces bouches qui... qui est aussi, celle qui est en train de parler à Arjuna. Donc c'est vraiment terrible. C'est une vision terrifiante et je pense que ce passage est parfait pour démontrer à quel point la dévotion n'a rien d'une adhésion édulcorée ou d'une voie facile. La bhakti n'est pas une voie facile et il y a qui deviendra un topos littéraire ensuite, il y a cette vision apocalyptique littéralement de la divinité qui fait que cela ajoute une note curieusement beaucoup plus beaucoup plus réaliste ou beaucoup plus qui met de la distance, voilà, entre l'humain et le divin qui doit quand même rester et ne permettra pas de faire confusion. Est-ce que ce texte est encore beaucoup lu et étudié en Inde aujourd'hui ? Ah oui. Ah oui, énormément, et même utilisé, comme vous pouvez l'imaginer, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans certains cas, il est utilisé pour justifier la violence, ou que voilà, il est au contraire utilisé comme un texte dévotionnel. Donc il y a une récupération politique de ce texte, est-ce que vous dites aussi ? Oui, ça, c'est le cas pour certains extrémistes, bien sûr. Et c'est déjà bien inscrit comme ça dans l'histoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une exégèse qui accompagne ce texte. On ne l'enseigne pas forcément avec des outils critiques. Aussi, donc il y a une longue tradition de commentaires. Et bien sûr, le premier, le plus important, c'est celui de Shankara, qui a été aussi évoqué hier, au 8e siècle, qui inscrit donc le texte dans une des grandes écoles philosophiques qui est le Vedanta indien. Mais il y a eu aussi des commentaires et des lectures, par exemple, je ne sais pas, Shivaïte, ou des lectures, des lectures très très différentes au fil des siècles. Mais là, le pur texte tel qu'il est, vous le voyez, se prête à des lectures diverses. Hein, se prête aussi. Malheureusement, comme je le disais, détaché de son contexte, détaché de son, de sa force un peu absolue, c'est prêt au discours terroriste des fois. Donc c'est ça, ça fait peur. On invite néanmoins l'auditeur à lire, à découvrir ce texte. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez le faire aux éditions Alia, puisque la traduction de la Bhagavad Gita par Sylvain Lévy, établie par vos soins, Sylvia Dintino, est disponible aux éditions Alia. Vous la trouvez aussi en Garnier Flammarion avec la traduction de Marc Balanfin. Choisissez votre traduction, les exemplaires sont disponibles et vivez ce voyage incroyable qui continuera donc jusqu'à jeudi. D'ici là, on se quitte avec une autre forme de dévotion. Le Dieu, My Sweet Lord, c'est George Harrison qui le chante. Sur les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce que ça fait de grandir dans une réserve indienne ? Bon, en fait, je ne suis pas certain de savoir, mais j'ai grandi en banlieue sud, en Essonne précisément, et il y avait là-bas tellement de Buffalo Grill que je crois que je vois l'idée. c'était la banlieue de Paris, oui, plutôt que celle d'Evry, ou plutôt celle d'Evryville Nouvelle, comme il y avait là-bas, à l'est, une nouvelle York. Mais à Paris, comme à Evry, nous n'allions, pour ainsi dire, jamais, mais c'était entre la grande plaine infinie du Gâtinais et les Rocheuses de Fontainebleau, un territoire immense et encore largement sauvage. Pour en donner une idée, qu'il me suffise de dire qu'on trouvait dans la rue de mon lycée un club hippique et une ferme, mais aucun, absolument aucun, café. Quand j'ai découvert dans le Péril Jeune ce que pouvait être vraiment la vie de lycéen, je n'en ai pas cru mes yeux. Je sais ce que c'est d'habiter non pas une ville, mais un territoire. Un territoire et ses totems, l'enseigne lumineuse d'un carrefour où je rêvais de monter un jour pour vivre une aventure à la Tom Sawyer au bord du Mississippi de la 6, le séquoia repeint d'une antenne de télévision, le grand pain factice d'un relais téléphonique. On trouvait aussi quelques puits de pétrole et les grands réservoirs militaires à moitié camouflés d'un stock stratégique d'hydrocarbures, des signes avant-coureurs de notre acculturation inévitable. Mais une acculturation à quoi, au monde moderne ? Eh bien, ce territoire où j'ai passé mon enfance et mon adolescence avait quelque chose, oui, de profondément artificiel. Nous vivions dans des pavillons stéréotypés, allions faire nos courses dans des centres commerciaux en empruntant des routes connectées par des ronds-points, mangions des chocs-à-pic au milieu des champs de blé. Ce n'était ni tout à fait la campagne, ni tout à fait la ville. On ne parlait pas encore de monde périurbain, mais on savait qu'une catastrophe obscure de l'ordre d'un engloutissement nous menaçait, soit que la ville s'apprête à nous dévorer, comme quand une rocade prétentieuse avait été construite à travers champs derrière notre lycée, mais elle dessert aujourd'hui des entrepôts, un McDonald's et un cinéma multiplex, soit que la menace plus insidieuse vienne de la campagne elle-même, de plus en plus mécanisée. Nous étions le peuple de la frontière, mais j'ignore encore si nous étions le front pionnier, aligné comme les protagonistes de la première page de l'album de Lucky Luke, rué sur l'Oklahoma, ou l'ultime tribu qu'il faudrait arraisonner. Hypothèse que l'histoire récente de la France a rendue crédible quand les Gilets jaunes, cet autre peuple de la frontière, ont transformé les terres pleines des ronds-points en bocages mayennais ou vendéens. Alors je me dis que j'ai bien vécu, sur la frontière, une sorte d'expérience in vivo de sociologie ou de géographie. J'ai revécu, en accéléré, quelques années à peine, mais celles décisives de la fin de l'enfance, le passage du monde ancien au monde moderne. J'ai grandi comme la France avait fait son exode rural. Je ne suis pas devenu adulte, je suis devenu moderne. Et vous pensez que ça vous rapproche vraiment de l'expérience des réserves indiennes ? Bah disons que j'en ai intégré une part des problématiques, et je n'évoque même pas le rapport déstructurant et massif que beaucoup d'entre nous ont entretenu aux drogues ou à l'alcool. Je veux parler plus intimement peut-être d'un remords persistant au moment de passer tout à fait de l'autre côté, d'entreprendre des études ou de venir vivre à Paris, avec le sentiment que l'acculturation n'est pas une force extérieure, mais que c'est nous, en dernier lieu, qui l'avons portée. Et voulu grandir là-bas, dans la ville dortoir, c'était se haïr un peu soi-même et désirer s'enfuir. Et je parle moins ici de trahison de classe, nous étions essentiellement des petits bourgeois, que du désir plus méchant de voir ce paysage vacillant disparaître, ce qui n'était au fond que son véritable mode d'existence. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle, en compagnie de Jules Barbier, Laure Blanqui, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda et Nicolas Berger qui a réalisé cette émission. À la lecture des textes, c'était Bernard Gabet. À la prise de son, Jean-Guilain Meige. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de la Bhagavad Gita. Nous serons demain en compagnie de Colette Poggi. On parlera du yoga, la troisième voie de libération après donc le renoncement à ses désirs, la dévotion aux dieux. Eh bien, le yoga n'est pas ce que vous croyez. Il est une affaire aussi de libération. Libération, oui, mais de quoi et par quoi ? Réponse demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou vous pouvez aussi télécharger l'application Radio France. C'est très facile à faire et ça vous permet d'écouter chaque émission en direct, mais aussi en podcast, en téléchargement. Comme ça, vous l'écoutez où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve demain, donc, à 10h précise. Nous, on sera là. Mais d'ici là, surtout, restez à l'écoute sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.